Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 17 septembre 2021. Voici les grands titres de cette grande édition. 15% seulement de diplomates burundais prestant à l'étranger rentrent au terme de leur fonction, déplore le ministre des Affaires étrangères. Albert Shingiro est l'invité de ce vendredi de l'Assemblée nationale. Et c'est pour expliquer le projet de loi portant organisation du service diplomatique du Burundi. Et le directeur général de la COGERCO s'inquiète de l'imminence de la faillite de cette entreprise publique. Gustave Majambere affirme que cette compagnie de gérance du Coteau présente un bilan négatif depuis plus de 10 ans. Vous l'entendrez, il vient de tenir une conférence de presse. Et l'abattage des arbres et l'extraction des minerais ont sensiblement diminué dans le parc national de la Kibira, comme a pu le constater le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, qui remettait ce jeudi un kit de travail à 70 éco-gardes de la section TESA de ce parc. Et dans la chronique environnement, nous reviendrons sur la cohabitation conflictuelle du parc de la Ruvubu avec la population environnante, une situation consécutive à la non-protection de ces terres. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je venais de vous le dire, l'Assemblée nationale est en train d'analyser le projet de loi portant organisation du service diplomatique du Burundi. Le ministre en charge des Affaires étrangères, Albert Shingiro, qui a présenté ce projet de loi, explique que c'est pour se conformer à la constitution burundaise et mettre en place des textes forts régissant le service diplomatique et son personnel. Ce ministre de la diplomatie burundaise affirme que les diplomates burundais reviennent à peine au terme de leur fonction. Il donne l'exemple de 2015, où seuls 15% ont regagné le pays. On écoute le ministre Albert Shingiro. Traduit par Evariste Nzikobanyanga. Quand quelqu'un va représenter le Burundi à l'étranger pour un délai de 4 ans, et à la fin de son mandat, il y a certains qui s'interrogent, se demandant à quand ils pourront encore une fois être mandatés à l'étranger ou s'ils vont réintégrer le ministère des Relations extérieures pour ne toucher que 100 000 francs bout par mois. C'est pourquoi, depuis 1980 jusqu'en 2010, les statistiques des diplomates qui sont restés à l'étranger sont chiffrées à 15%. La plupart sont restés dans ces pays et ont sollicité le statut de réfugié. Vous entendez qu'une telle situation ternit l'image du Burundi. Nous pensons que ce projet de loi va renforcer le sentiment d'appartenance au ministère des Relations extérieures. Nous pensons également qu'une fois ce projet de loi promulgué, ceux qui restaient à l'étranger vont diminuer, de même que ces intellectuels, car une fois restés à l'étranger, ils vont développer les pays qui les ont accueillis. Le ministre en charge des Affaires étrangères, Albert Shingiro, traduit par Évariste Nzikobanyanga. Les infractions qui étaient commises à l'intérieur du parc national de la Ruvubu, comme l'abattage des arbres et l'extraction des minerais, ont sensiblement diminué. Propos du directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE, ce jeudi, lors de la remise du kit de travail à 70 éco-gardes de la section TESA de ce parc. Berkmansa Tungimana appelle les bénéficiaires de ce kit à redoubler d'efforts pour protéger cet écosystème. Je propose de le suivre et ses propos ont été recueillis par Moïse Misago. Et nous venons donc de donner le kit matériel aux éco-gardes qui œuvrent ici dans le parc national de la Kibira. Et ce kit que nous venons de distribuer est constitué par un tenue qui est composé donc d'un pantalon et d'un veste et une paire de chaussures. C'est constitué aussi donc d'une lampe torche qui est spéciale parce que vous avez vu que cette lampe a aussi d'autres accessoires, notamment une boussole et qui va permettre à ces éco-gardes donc de s'orienter. Ce kit aussi est constitué donc d'un sac de couchage et ce sac va aider nos éco-gardes si par exemple il advienne qu'ils séjournent donc dans la Kibira pour qu'ils puissent avoir comment et donc dormir. C'est aussi constitué par donc un sac à dos et qui va aider donc à transporter le matériel. C'est constitué aussi donc des tentes puisque vous savez que pendant la saison en pluvieuse, nos éco-gardes continuent à faire donc des surveillances dans cette forêt. Et ce kit n'est pas distribué ici à Kibira, Inikuma. Ce kit va être distribué au parc national de la Ruvubu ainsi qu'à la réserve naturelle forestière de Bururi. Nous saluons donc l'appui de ce projet. Et puisque avec l'appui de ce projet, les infractions qui étaient couramment observées ici à Kibira, ici je dirais la coupe des arbres donc à la recherche du bois de chauffage, et l'extraction du coltan, l'extraction du minerai dans ce parc continue donc à diminuer. Nous saluons aussi donc la collaboration entre personnel de l'OBPI avec l'administration ainsi que le chef de l'ordre, puisque avec cette collaboration, nous parvenons donc à traquer les malfaiteurs qui viennent détruire donc cette forêt. Et dans la suite de ce journal, certains commerçants exerçant leurs activités commerciales en province Kayanza demandent au ministère du Commerce d'intervenir pour que les textes régissant le domaine de paiement des taxes et impôts soient rédigés en Kirundi. Selon ces commerçants, des agents de l'Office burundais des recettes OBR rendent souvent de mauvais services à ces commerçants à cause de l'ignorance chez ces derniers de la langue française, dans laquelle sont rédigées les lois régissant le domaine des impôts et taxes. Ils l'ont dit ce jeudi dans une réunion avec la ministre du Commerce, Patrick Saint-Guillaume. Certains de ces commerçants qui disent que la loi régissant le domaine du paiement des impôts et taxes a été mal appliquée à leur endroit sont ceux qui ont payé il y a de cela des mois les taxes de type déclaratif alors qu'ils devraient payer le type forfait. Au moment où ces commerçants indiquent que beaucoup d'initiatives sont en train d'être faites pour redynamiser et développer le domaine du commerce à Kayanza, ils demandent au ministère du Commerce d'intervenir pour que surtout les textes régissant le paiement des taxes et impôts soient rédigés en Kirundi. Et parmi ces initiatives, Douimana Sylvestre, représentant des commerçants à Kayanza, parle de la naissance d'une coopérative avec un capital de plus de 300 millions pour débuter les activités commerciales. Dans cette même réunion, il a rencontré la ministre du Commerce et les différents chefs de service dans son ministère avec les commerçants exerçant leurs activités commerciales à Kayanza. Le problème des unités de transformation qui ont été construites à Kayanza par les partenaires techniques et financiers et qui ne sont pas fonctionnelles a été également évoqué. Celles-là sont surtout, d'après les autorités administratives en province Kayanza, l'usine de transformation de l'huile et des avocats en commune Kayanza et celle de transformation de jus dont les portes sont aujourd'hui fermées. Rémi Tichayo a demandé au ministère de tutelle de prendre cette question en main car selon cette autorité, ne pas fonctionner pour ces unités de transformation est une grande perte pour le pays. Le gouverneur de la province Kayanza demande à son même ministère d'appuyer beaucoup le secteur de l'industrie à Kayanza, étant donné que selon lui, des opérateurs économiques internationaux vont implanter dans un proche avenir des industries en cette province. Capitoline Nyonizigui, la ministre ayant le commerce et l'industrie en ses attributions, a tranquillisé que toutes ces doléances se trouveront une issue favorable dans un proche avenir. Depuis Kayanza, Patrick Enseigne va pouvoir réduire Sanganilo. Monsieur Patrick, je le disais dans les titres, le directeur général de la COGERCO s'inquiète de l'imminence de la faillite de cette entreprise publique. Gustave Majambéré affirme que cette compagnie de gérance du coton, souffre de difficultés financières avec un taux d'endettement au-dessus de la normale. C'était lors d'une conférence de presse ce vendredi. L'entreprise COGECO a connu des difficultés. Et si d'ailleurs je remercie beaucoup le gouvernement, parce que si il y a eu beaucoup d'entreprises dans ce pays qui ont fermé, c'est vrai que premièrement, ça a été la mauvaise gouvernance, le mauvais management des gestionnaires au quotidien. Ça a été aussi la non-prise de décision, le non-suivi par le gouvernement. Donc, l'entreprise, ce que nous avons vu, les données, je vous disais qu'il n'a pas pu même payer les dividendes à l'État qui était 100% à l'actionnaire. Et donc, pour répondre concrètement à votre question, l'entreprise aujourd'hui, comme état corollaire de plusieurs années, il est au bord de la faillite. C'est pourquoi nous avons proposé deux voies de redressement et vous avez entendu que le gouvernement s'est prononcé à adopter une des voies que nous avons proposées. Et nous aussi, nous voyons que c'est une voie, si elle est bien menée, c'est une voie qui sera bénéfique, qui va contribuer au relèvement de l'économie nationale. Les dettes, présentement, on n'a pas de chiffres, mais comme je vous l'avais dit, la COGECO possède un taux d'endettement supérieur à la normale. Gustave Majambéré, directeur général de la COGERCO, qui a cependant déclaré que la production de cette année a augmenté par rapport à celle de l'année dernière. Et ses propos ont été recueillis par Charles Makoto. Les décès liés à l'utilisation des dynamites lors de l'extraction des minerais accroissent le nombre de veuves sur la colline Kamara-Magambo en commune Butihinda de la province Muyinga. Au moment où certains mineurs avouent manipuler ces explosifs par ignorance, Denise Ndaruhekeye, chef de cabinet du gouverneur, fait savoir que le taux de décès diminue ces derniers jours grâce à la sensibilisation menée par l'administration contre le recours à ces méthodes archaïques. Omer Ndouayo. Elles sont au nombre de 30 dans un atelier où elles apprennent la couture. Ces veuves indiquent que leurs époux meurent de la même façon. J'ai perdu mes époux à 3 reprises. J'ai 4 enfants. Mon premier époux m'a laissé avec 3 enfants. Je me suis remariée à 2 autres qui sont aussi morts. L'un a été hospitalisé durant 7 ans, l'autre 1 année et le dernier 2 ans. Ce sont des liquides communément appelés dynamites qui endommagent leurs poumons. Les hommes de Kamara-Magambo vivent de l'extraction de mines. C'est pourquoi ils persévèrent même s'ils constatent l'accroissement de décès. Ils sont atteints de toux sèche. Lors des examens médicaux, les résultats montrent que leurs poumons ont été endommagés. Le corps se gonfle et ils meurent. Certains des gens qui exploitent les minerais trouvent que ceux qui utilisent les dynamites pour casser les pierres le font pour se faciliter le travail, ce qui leur cause des morts. Auparavant, on utilisait des méthodes que je dirais archaïques par ignorance, sans tenir compte des effets néfastes à l'avenir. On a pu remarquer que ça causait des dégâts après quelques temps, raison pour laquelle on a dû changer par la collaboration de l'African Mining Burundi, qui encadre les coopératives qui exploitent des minerais pour le moment. On espère que ça ne va pas continuer comme auparavant. D'ailleurs, l'administration a fait face à ça parce que, après avoir remarqué que ça causait des manamana, on a pu arrêter ça. Denise Ndaruhekeye, chef de cabinet du gouverneur, explique que les sensibilisations menées interdisant l'utilisation des moyens qui ne sont pas autorisés dans l'exploitation des mines a réduit les cas d'accidents mortels. Auparavant, ceux qui exploitaient les minerais le faisaient de façon contre-indiquée. Ils le pratiquaient selon leur perception. Après la mise en application de la loi liée à l'extraction des mines, les cas de décès ont diminué. Ces veuves demandent aux organisations des bienfaiteurs de leur venir en aide. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Une fois n'est pas coutume, on passe à la chronique environnement et nous reviendrons sur d'autres informations. La non-protection du parc national de la Ruvuvu, c'est l'une des conséquences de la cohabitation conflictuelle du parc avec la population environnante. Et selon Jacques Nguengroutse, docteur en sciences de la vie et de l'environnement, la prise en compte des avis de la population est une des solutions proposées pour mettre fin à cette situation. Vestine Boutoui. Lors de la récente chronique, nous vous avions parlé de l'importance du parc national Ruvubu ainsi que des éléments promoteurs de la cohabitation conflictuelle du parc avec la population environnante. Aujourd'hui, l'expert en environnement explique que la non-protection du parc a l'un des impacts générés par cette cohabitation. En fait, il y a ce qu'on appelle la conservation durable, c'est-à-dire espérer que quelque chose qui est conservé dans les aires protégées puisse exister, évoluer positivement et générer plus d'intérêt et d'importance pour la population et pour le pays. En fait, c'est ça. Le problème est que la conservation durable est mise à mal parce que, en fait, le parc existe, mais la population n'en est pas fière à cause de ce que je viens de dire. Et donc, du coup, on ne peut pas espérer que d'ici 10 ans, 20 ans, le parc va continuer à exister. Va continuer à évoluer et donc du coup la conservation est mise à mal et puis c'est normal, ça fait partie de la paix sociale. Il n'y a pas de paix durable entre les conservateurs du parc, les gestionnaires du parc et la population tant que les gens trouvent qu'ils sont lésés par l'existence de ce parc. Pour remédier à cette situation, Jacques Nguengroutse, docteur en sciences de la vie et de l'environnement, propose plusieurs solutions dont la prise en compte des avis de la population lors de la prise des décisions relatives à la protection de ce parc. La première, c'est qu'on devrait être moins rigoureux quant à l'infraction commise par la population dans le parc, parce qu'eux aussi disent que quand les animaux causent des dégâts à leur champ, à la population, ils ne sont pas indemnisés. 2 pour que vraiment ce parc puisse devenir une source de meilleure vie pour la population. On pourrait développer des projets qui ne causent pas de tort, de dommage au parc, mais qui puissent donner retour positif à la population. C'est comme l'apiculture, parce que vous savez, le bon miel, c'est un miel qui vient de plusieurs fleurs d'espèces différentes, et les fleurs qui sont dans le parc, il y en a plein. On pourrait avoir une grande production de miel au profit des associations, des coopératives, des populations, et donc la population pourrait renouer avec le parc, parce que ce sont des retombées positives. Et puis aussi, par exemple, vous avez des tradis praticiens qui sont autour du parc, et la population qui pourrait avoir besoin d'avoir un fruit, d'avoir une plante médicinale dans le parc, on pourrait voir dans quelle mesure on puisse accepter qu'il y ait des prélèvements régulés qui ne puissent pas apporter préjudice à la conservation durable du parc. Je pourrais ajouter un autre pour dire, puisque en général toute la population autour du parc est agriculteur et qu'ils dénoncent la destruction des champs, on pourrait développer des projets pour des activités secondaires qui ne sont pas agricoles, pour que une fois qu'un champ a été décimé par les animaux du parc, pour que la population victime ne devienne pas indigent, pour qu'il puisse continuer à exister, et donc finalement il aura moins de frustration, il sera moins impacté s'il a d'autres ressources à côté. Le parc national Rubvubu est le plus grand parc du Burundi. Merci Vestine. Près de 800 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim ces cinq dernières années, un nombre qui a constamment augmenté selon une déclaration du directeur général du Fonds onusien pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Ces déclarations tombent dans la foulée de l'organisation du sommet mondial sur la sécurité alimentaire prévu le 23 de ce mois de septembre aux États-Unis. Quatre axes, notamment l'amélioration en matière de production, seront analysés. Mireille Kanyang. Ce sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires prévu le 23 septembre à New York vise des systèmes agroalimentaires durables en faveur de quatre améliorations en matière de production, de nutrition, d'environnement et de conditions de vie. Selon cette déclaration, le système agroalimentaire, poursuit-il, couvre le cheminement des produits alimentaires de la préparation du sol jusqu'à l'assiette tout au long des différentes étapes. Selon cette déclaration, la transformation agroalimentaire exige une approche systématique et une action collective main dans la main avec les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et de concert avec les gouvernements, le secteur privé, le monde universitaire et la société civile. Selon encore cette déclaration, le directeur général de ce fonds onusien pour l'agriculture et l'alimentation fait savoir qu'il agit en première ligne dans la préparation de ce grand sommet mondial du 23 septembre, un sommet plus important. Selon cette déclaration de la FAO, ce sommet arrive à point nommé puisque le nombre de celles et ceux qui souffrent de la faim a augmenté ces cinq dernières années et a atteint pas moins de 811 millions de personnes. En même temps, poursuit la déclaration, l'obésité et d'autres maladies non transmissibles ne cessent de progresser et constituent des problèmes mondiaux liés à une diversification insuffisante des régimes alimentaires sains et des modes de consommation. Ce sommet sur la sécurité alimentaire prévu à New York le 23 septembre de cette année sera tenu au moment où le 16 octobre de chaque année est célébrée la Journée mondiale de l'alimentation. Mireille Kanyang. Le gouverneur de la province Karoussi, qui est en même temps président du comité provincial de l'éducation et le directeur provincial de l'enseignement, s'engage à relever les défis de l'éducation, même si les résultats aux examens nationaux montrent que la province scolaire de Karoussi se classe première dans les évaluations nationales. Entre autres défis relevés, un taux d'abandon scolaire élevé, des grossesses en milieu scolaire et le manque de bancs pupitrés d'enseignants. Ce vendredi matin, ils ont tenu une réunion d'évaluation du secteur. Blaise Pascal Kararoumi. Le gouverneur, en même temps le président du comité provincial de l'éducation dans la province Karoussi et le directeur provincial de l'enseignement dans cette province, indique qu'il faut que tous les intervenants du secteur de l'éducation puissent travailler en synergie afin de trouver solution aux différents défis qui rentrent ce secteur éducatif. Signalant que la province scolaire de Karoussi vient de passer 4 ans se classant la première dans le pays dans les évaluations nationales, que ce soit au concours national de 9e année et l'exétat de fin de poste fondamental pour l'entrée à l'université. De là, le directeur provincial de l'enseignement annonce qu'un non-avisé penserait que ce secteur n'aurait pas de problème dans la province Karoussi alors que non. Tout cela étant dit, dans une réunion de ce vendredi, une réunion à l'intention des intervenants de ce secteur de l'éducation dans la province pour l'évaluation des activités de l'année scolaire écoulée 2020-2021 et la prise de stratégies qui permettront d'améliorer les performances scolaires au cours de l'année scolaire qui commence 2021-2022. Entre autres défis cités par Abdelmane Ferdinand, le directeur provincial, c'est le taux d'abandon scolaire qui est élevé, signalant que plus de 10 000 élèves ont abandonné l'école au cours de l'année scolaire précédente. Autre chose comme défi sont les grossesses non désirées dans les écoles et le manque de bancs pupitres, le manque d'enseignants, ajoute le directeur provincial. Le sénateur Nibirani Jean-Marie, qui est aussi président de l'Association des natifs de la province Karoussi, Ensemble pour le développement de la province Karoussi, ANDESKA en sigle, a indiqué que cette réunion de sensibilisation arrive au point nommé juste au début de l'année scolaire, expliquait-il. Il affirme que, avec les natifs de la province, ils ont déjà commencé à organiser des réunions de sensibilisation pour le développement de toute la province, sans oublier le secteur de l'éducation. Le gouverneur Karine Barushimana demande aux administrateurs communaux d'intervenir d'une façon significative pour le développement de l'éducation dans la province et plus particulièrement dans les communes. Il leur demande la création de fonds irrelatifs, acheter les bancs pupitres qui manquent afin qu'il n'y ait plus autre élève qu'on trouve assis par terre en étudiant. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Merci Blaise. À 13h17, à Bujumbura et sur Isanganiro, on se sépare sur cette nouvelle brève en international. Un Rwandais est soupçonné d'être impliqué dans le génocide des Tutsis en 1994 a été mis en examen ce jeudi 17 septembre en France. Isaac Kamali a été placé sous contrôle judiciaire et mis en examen notamment pour génocide et crimes contre l'humanité. Cet ancien fonctionnaire qui a notamment travaillé au ministère des Transports est accusé d'avoir participé à des meurtres, pillages et destruction des biens et d'avoir lancé des appels à commettre des crimes. Visé par une information judiciaire ouverte en 2009, son septuagénaire naturalisé français réside près de Troyes dans l'Aube. C'est une surprise tellement le dossier est ancien, a réagi Alain Gauthier, cofondateur du collectif des partis civils du Rwanda, qui avait porté plainte contre lui. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également, merci à Séraphine et à Kizimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi.